Oui, tout ce que je chante, all my French song, all are written by me. Merci. Oui, tout ce que je chante en français, ce sont mes chansons en général. C'est très rare quand je fasse des reprises. C'est bon, lâche pas. Ils vont te voler tes compos. Ouais. Ah non, mais elles sont toutes déposées, il n'y a pas de souci. Elles sont toutes protégées. Il y en a quelques-unes. Quand je dis quelques-unes, ça veut c'est-à-dire 300. Ok. Ben à mon âge, j'ai eu le temps d'écrire, hein, j'ai 63 ans alors. Joue-en d'autres. Ah ben on va en faire d'autres, ouais. Ah oui. Je vais essayer de rester dans un Là où tempo j'ai qui est pas de identique. commence.